Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, les reconstitutions historiques, une nostalgie parfois limite. On reconstitue surtout des batailles, moins souvent des bals ou les séances de cinéma. La reconstitution qui passe pour un joyeux passe-temps revêt donc un caractère très souvent morbide en rejouant la mise à mort plus ou moins héroïque, rarement choisie, d'une partie des gens qui étaient là, mais c'était il y a bien longtemps. Elles ont été nombreuses ces dernières années à accompagner les événements organisés pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Des soldats en uniforme, des chars dévalant la campagne, des scènes de combat. Voici la reconstitution plus vraie que nature de la bataille des Ardennes. Des centaines de figurants ont participé à ces commémorations à l'occasion des 75 ans de cette bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est un exercice de reconstitution érigé en institution qui interroge en ce moment et bien au-delà des frontières de la Normandie, région par excellence des plages du débarquement. Le quotidien Le Monde nous raconte que les historiens, politiques et citoyens s'y livrent à un fiévreux débat sur la nouvelle attraction de l'Airborne Museum, située à Sainte-Mère-Église dans la Manche, et qui propose de faire revivre à ses visiteurs les sensations des bataillons de soldats arrivés par les airs pour délivrer l'Europe en 1944. En fouinant sur les réseaux sociaux, on peut trouver quelques vidéos d'internautes filmées lors d'expériences du même genre. Costumés et casqués, secoués et assourdis par une bande sonore écrasante, ils attendent dans un habitacle d'avion de guerre reconstitué, parce qu'on attend beaucoup lorsqu'on fait la guerre, avant de se faire brutalement hurler dessus avec l'accent américain le plus soigné. Bref, un régal pour les sens. Si l'émotion est au rendez-vous, la spectacularisation extrême, voire traumatique, fait grincer les dents de ceux qui saturent face à la multiplication de ces attractions mémorielles. Vivez l'expérience D-Day au cœur d'un lieu chargé d'histoire. Musée, cinéma 3D, simulateur de vol à bord d'un véritable avion C-47 unique au monde. D-Day Experience, c'est aussi une collection exceptionnelle et une boutique d'antiquités militaires. D-Day Experience. 40 ans, 5 hommes du monde. La reconstitution sensorielle, un business historique qui fait débat et qui interroge la nécessité d'une mise en situation extrême. En 2012, la plasticienne Sandy Amerio s'était livrée à une expérience qui l'avait amenée à produire un film intitulé Dragound, du nom de code de l'opération militaire du débarquement de Provence en août 1944. À partir d'entretiens enregistrés avec des adeptes de la reconstitution de cette campagne, elle débusquait le profond malaise de certains joueurs qui s'y adonnaient avec un engagement émotionnel parfois démesuré. August 15, 1944. 4:21 a.m. Somewhere in southern France, Pathfinders hear Dakota engines purring above their heads. Si le film de Sandy Amerio proposait une mise en abîme en rejouant le jeu de la reconstitution, la démonstration révélait une profonde mélancolie du présent. Un rapport aux événements passés, chéri à outrance, parce qu'on y comprend quelque chose, puisqu'on en connaît le début, le déroulement et la fin, contrairement à la sensation d'un temps contemporain souvent difficile à déchiffrer. Parce que la reconstitution guerrière, c'est l'occasion d'emprunter un rôle qui ne sera jamais le nôtre, à l'abri de l'imprévisible et de l'inattendu, de l'événement qui bouleverse sans s'annoncer. Ce qui est mis en cause avec la nouvelle attraction de l'Airborne Museum, c'est la reconstitution comme négation de l'expérience sensible du changement et une émotion exacerbée qui peine à transmettre les connaissances historiques, pourtant prétexte au déploiement de cette débauche de moyens pour nous faire sentir comme si on y était. Mais on n'y sera jamais. Il nous reste les milliards de pages produites par les historiennes et les historiens pour comprendre ce passé qu'on serait bien en peine de vouloir rattraper pour soigner notre présent. Si l'émotion peut faciliter l'accès à l'histoire parfois, trop d'émotions l'effacent au profit d'un jeu qui déréalise les épisodes les plus violents de notre passé. Comme si on y était. Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr.